Panicus, Panicus, ceux qui vont jouer de salut. Du 23 mai au 20 juin, Radio Panique se joue des règles du jeu. Un mois d'émissions ludiques dans ton poste panique. Plus d'informations sur radiopanique.org. Il est 20h30 sur Radio Panique. Vous écoutez le Memento. Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonjour, soyez tous les bienvenus sur Radio Panique. Aujourd'hui, émission spéciale. Depuis lundi, on est entré dans la programmation transversale avec le thème du jeu. On a donc décidé de jouer avec l'improvisation. Ce soir, on accueille donc un duo de jazz qui va improviser sur notre histoire. Il y a Driss à la basse. Bonsoir. Et il y a Rich on the guitar. Salut. How are you guys? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? C'est magnifique. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'habiller cette histoire. Et d'ailleurs, l'histoire d'aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle histoire, puisque on rend hommage à Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. C'est un classique de 1955 et on va le remettre au goût du jour et on va surtout le remettre au goût de la radio. Memento en film à suspense et un pro de jazz, c'est tout de suite sur Radio Panique. Je viens de me fêler trois côtes. Un accident dans le métro, rien de grave. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo sur YouTube d'un mec trop sûr de lui. Il court, il saute pour entrer au dernier moment dans le métro, mais il s'écrase lamentablement sur une porte fermée. Eh bien ce mec, c'est moi. Je viens de sortir de l'hôpital, je suis bloqué dans mon petit studio toute la journée. J'écoute la radio, enfin des podcasts sur internet quoi. Je suis tout seul avec Mussolini, c'est mon chat, il est roux. Et en fait je l'ai appelé comme ça parce que c'est un vrai connard. C'est l'été, il fait bon, je profite d'émissions sur l'avancée des biotechnologies. Et puis sur l'histoire du jazz aussi. Mussolini dort sur mes genoux. La vie n'est pas si mal finalement. Thank you. Ah non, non. Oh putain, Internet marche plus. Est-ce que j'ai... Je sais même pas si j'ai payé la facture d'Internet. Et comme j'ai pas Internet, je peux pas aller voir mes comptes pour faire le virement. Et c'est le week-end et les banques sont fermées. C'est génial, je suis bloqué dans mon studio, en fauteuil roulant, sans Internet. Heureusement que mes parents m'ont rempli le frigo. Nous formions tous deux le couple le plus mal assorti qui soit. Nous sommes encore mal assortis. Et nous avons aimé chaque minute de notre union. Oui, c'est très bien, Stella. Maintenant, préparez-moi un sandwich, s'il vous plaît. Je vais me faire chier. Tout le monde est en blocus ou en vacances. J'ai rien, de rien, de rien à faire. Le week-end va être long. Et puis chaud aussi. Il fait lourd. Et je vais ouvrir ma fenêtre pour aérer. Et juste à ce moment-là, à ce moment-là, je découvre un nouveau genre de podcast. Toutes les fenêtres de la grande cour intérieure sont ouvertes. Tous ces sons s'ajoutent à ceux de la ville. En fait, je viens de trouver de quoi m'occuper les oreilles. Il y a le voisin. Il y a le voisin qui joue son morceau encore et encore. C'est un voisin de l'immeuble, de l'immeuble d'en face, au rez-de-chaussée. Il est un peu à gauche de moi, comme ça, en bas. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir les fenêtres ouvertes pour l'entendre répéter encore et encore le même morceau, le même petit bout de morceau en boucle. Ses rideaux sont toujours tirés, mais je l'imagine grand, maigre, avec des cheveux aux épaules et un ongle très, très, très long. Et il joue encore, toujours et encore, ce même gimmick. Thank you. Toujours dans le Memento sur Radio Panique, vous venez d'entendre le guitariste et son pote bassiste. Ils ne se lassent pas de jouer encore et encore le même morceau. Les musiciens font une pause. Notre héros, quant à lui, passe des heures à regarder à la fenêtre et surtout à écouter. Il se rend compte qu'il a plus d'un acteur dans la bande-son de cette cour intérieure. Sur la gauche, un couple entre deux âges. Je les entends rentrer tous les soirs. Lui, c'est toujours à 19h30. Le bruit de la porte qui claque, le frigo, le canapé qui grince et enfin... la télévision. Elle rentre vers 20h. Je reconnais le bruit de ses talons. Généralement, elle ne fait que quelques pas avant d'enlever ses escarpins et de les balancer à l'autre bout de la pièce. Regrincement du canapé, ça change de chaîne sur la télé. Le seul moment où je leur porte intérêt, c'est en fin de soirée, vers 23h. Je ne me suis jamais intéressé à la chose sexuelle, mais... les écouter s'aimer ne me procure pas ce genre de plaisir. C'est plutôt comme écouter de la musique. Le rythme du battement de leur tête de lit sur le mur, les notes de la voix au perché de la voisine, je trouve ça joli. Merde. Ah merde, excusez-moi, c'est Mussolini, la fin. Juste une petite seconde, voilà. Voilà, ok, c'est bon, voilà, je vais donner à manger. Où est-ce que j'en étais ? Oui. Eh bien, le samedi, la mélodie de la voisine de gauche est souvent suivie par le beat énervé de la coloc du quatrième, de la grosse colocation d'étudiants au cinéma qui gratifie l'immeuble d'une soirée par semaine. À chaque fois, ils écrivent des mots d'excuses, toujours plus élaborés. Parfois, ils évoquent la disparition de leur chat. Il méritait bien qu'on boive un petit verre à sa santé, hein. Ou bien c'est la cérémonie des Oscars à la télévision. Soirée champagne. Et puis, je vous parle pas du jour où DiCaprio en a reçu un d'Oscar. Il commence en général par des discussions plutôt cool. À ce moment-là, je me dis toujours qu'il faudrait que je me joigne à eux un de ces jours. Et puis l'alcool est dans, la musique monte et on finit par des beuglements attardés sur fond de Carlos. Et puis il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Elle occupe mes après-midi à rester chez elle, à peindre et à siffler. Elle siffle, elle ne s'arrête jamais de siffler. Elle est belle. Elle peint toujours devant sa fenêtre pour avoir de la lumière. J'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Je fais toujours attention à ce qu'elle ne me voit pas l'observer. Et voilà, je crois que je l'aime bien. Elle a un chat aussi. Elle le laisse descendre dans la cour intérieure et faire sa vie. Elle n'a qu'à siffler pour qu'il revienne dans les 10 secondes. Il ne s'est jamais enfui. Et je peux pas vraiment dire autant de Mussolini, ce con de chat. Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts? Alors c'est parti, voici la première épreuve. Ah oui, oui, oui, ça c'est la, la petite dame du troisième gauche. Ses rideaux sont toujours fermés, je ne sais rien sur elle à part qu'elle est sans aucun doute sourde comme un pot. Toute la cour peut entendre Julien Lepers et ses questions à la con. Nous sommes partis pour un beau jeu télévisé qui s'appelle Questions pour des pépones. Direction la Birmanie. Jacques. Guy Mollet. Non. Réponse. Malcolm McLaren. En avril 2010, comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne, père du mouvement punk, présentant des taches rappelant la peau de la vipère, composée d'un mélange de légumes cuits, préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire? Oui, Roger. Un vélo? Non. Oui, Jacques. Jacques. 1984? Non. Oui, ça Alice compte. Au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, d'accord. Jacques. Jacques. Alors on va s'arrêter là, Jacques. Désolé, hein, Jacques. Jacques. Jacques. On va se remettre de nos émotions. Jacques. Voilà. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain. Thank you. Vous êtes toujours dans le Memento sur Radio Panique. Vous venez d'entendre une autre impro de Rich et de Driss en live dans les studios ici à Radio Panique. De retour dans notre histoire, il est 17h, tout est calme. Le petit chat Frida court après les mouches dans la cour. Il fait un petit peu moins chaud. Cette fin d'après-midi est parfaite pour regarder par la fenêtre. Quelqu'un siffle pour appeler le chat dans la cour. Ce n'est pas Frida. En parcourant l'immeuble des yeux, je vois que la fenêtre d'où sort généralement la musique est ouverte. Un mec est accoudé au rebord. C'est lui qui appelle le chat. Mussolini commence à être attiré par les sifflements et vient me rejoindre à la fenêtre. Ça doit être le guitariste. Ouais, c'est lui. En fait, je peux enfin mettre un visage sur sa musique. Alors je m'étais mais complètement trompé. En fait, il ressemble plus à François Hollande qu'à Frank Zappa. Voilà, pas gros mais un peu flasque, la cinquantaine, des cheveux longs sur le côté, de la calvitie sur le dessus. Ce mec semble avoir totalement abandonné. Et en plus, depuis longtemps. Tiens, les voisins s'y mettent tôt aujourd'hui. Ah, attends, c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Je suis sûr d'avoir vu la fenêtre du musicien se fermer brutalement sur la queue du petit chat. J'ai été distrait 2 secondes par les voisins, j'ai juste entendu ce cri horrible et puis juste après cette fenêtre qui se ferme en claquant, je vois plus le guitariste. Mais quelques minutes plus tard, la musique reprend. Je passe la nuit à me demander ce que j'ai vu. À relire la notice des antidouleurs qu'on m'a prescrit. Je regarde la fenêtre du guitariste, que j'ai maintenant affectueusement renommé l'autre enculé d'en face, et puis je passe à celle de Frida, qui ne semble pas être rentrée de la nuit. Je ne fais même plus attention à rester discret. Je croise le regard de mamie « Question pour un champion ». Elle me fait un clin d'œil, lourd de sens. Oh, ben j'ai des connaissances et je suis bien surtout avec tout le monde et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein ! Je vais faire une pause. Je suis peut-être juste en train de me faire des films. Thank you. de cauchemar en musique, vous êtes toujours dans le Memento. On retourne dans notre histoire. Notre héros a passé une mauvaise nuit. Le lendemain matin, un sifflement le réveille. C'est Frida. Elle siffle à plein poumon depuis son balcon. Ça ne marche pas. Elle appelle son chat, elle lui parle, elle va même jusqu'à s'excuser d'avoir passé la nuit dehors. Mais son félin ne revient toujours pas. Au même moment, je vois le guitariste. Il passe dans la cour en regardant Frida, l'air totalement innocent. Mais il porte un sac poubelle noir sur l'épaule, lourd de ce qui pourrait être très bien l'animal de Frida. Mais j'ai plus de doute, l'enculé d'en face a sûrement étranglé le chat avec une corde de guitare. Si ça se trouve, il veut même utiliser ses boyaux pour s'en faire des cordes. Je repasse la nuit dans mon fauteuil, face à la fenêtre. Je ne sais pas quoi faire. Je me réveille au son d'un sifflement discordant que je reconnais tout de suite. La fenêtre est restée ouverte et c'est mon imbécile de Mussolini que je vois approcher doucement du tueur de chat psychopathe. Pour la première fois depuis que j'habite ici, on entend ma voix dans l'immeuble. « Maintenant, écoute-moi bien, espèce de sac à merde. Si tu touches à un coussinet de Mussolini, je vais descendre dans ton trou et rénover ton rectum avec le manche de ta guitare. » Mes mots résonnent dans la cour intérieure. Certains voisins me demandent ce qu'il se passe. « Je l'ai vu, il a fait du mal au chat. Il a voulu kidnapper Mussolini. » Et là, je viens de perdre les voisins. Ils lèvent les yeux au ciel, ils rentrent chez eux. En fait, ils n'ont rien compris. J'aurais peut-être dû mieux formuler les choses. Enfin voilà, je serai maintenant le fou du quatrième. La fenêtre du guitariste se referme immédiatement et puis je le vois sortir de son appartement. Et il me regarde en traversant la cour à grands pas. Merde. Putain, merde. J'ai même pas le temps de penser à quoi que ce soit avant qu'il frappe à ma porte. J'entends une voix fluette qui passe à peine à travers cette porte. « Bonjour, je suis votre voisin du rez-de-chaussée et il me semble qu'il y a eu un malentendu. Vous pourriez ouvrir? J'aimerais comprendre cette agressivité envers moi de tout à l'heure. » « Non, je vous ai vu, j'ai vu ce que vous avez fait au chat de la voisine. » « Enfin, mais vous êtes fou, mais il m'arrive de caresser des chats dans la cour, mais rien de plus. » « Je sais pas trop quoi faire. J'entrouvre la porte, je découvre un visage calme et souriant. » Mais en une seconde, son expression change. Elle paraît un peu plus agressive. Et puis, il met un gros coup de pied dans la porte. Je perds connaissance au premier coup qu'il m'assène sur la tête. Je suis réveillé par une odeur atroce. On dirait du formol et beaucoup de poussière. Je peux pas bouger. Mes yeux s'adaptent doucement à la pénombre. Je reconnais directement ces notes. Ah oh putain, je crois que c'est Mussolini devant moi là. Et je l'appelle mais il bouge pas. Mais dis donc, t'as dormi longtemps? Regarde ce que j'ai eu le temps de faire. Il rapproche la table à roulette sur laquelle est Mussolini. Et mon chat, il est figé. Il est froid et il est dur. Cet enfoiré a empaillé Mussolini. Et il se rapproche. Il se rapproche. Maintenant, c'est à ton tour. Thank you. venez d'écouter notre hommage à Fenêtre sur cour, le film de Hitchcock. Vous vous en doutez, le héros est mort dans d'atroces souffrances et il doit maintenant trôner sur une étagère de trophées. Ça finit mal ce memento, en tout cas cette histoire. Par contre, maintenant que l'histoire est finie, je vous propose qu'on fasse la connaissance des deux musiciens qui ont habillé toute cette histoire et qui ont joué tout au long de cette grosse demi-heure. Mais juste avant ça, juste pour qu'ils aient le temps de prendre un petit peu leur respiration, on va écouter le premier titre qu'ils ont choisi, c'est Arabesque de Pole Motion Electric Bebop Band. Arabesque, Pole Motion Electric Bebop Band. Vous êtes toujours dans le Memento sur Radio Panique 105.4 FM. Donc on vient de faire la fiction sur le film d'Hitchcock. Et là tout de suite on va passer à l'interview avec Driss et Rich qui sont venus jouer dans cette fiction. Alors je vous préviens, je vais faire cette interview un petit peu en français, hein, un petit peu en anglais et je vais traduire un peu les réponses puisque Rich is from... You're from the US? Yeah. Yeah, all right. So we're going to do it in both English and French. Les gars, est-ce que ça va? Très bien. Est-ce que vous êtes contents de cette expérience? super content. C'était une des choses les plus intéressantes qu'on a fait de toute cette année. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour vous dans cette expérience? Pouvoir vraiment mettre des images sur le son et inversement mettre des sons sur les images qu'on a et essayer de raconter une histoire sans images ou une histoire sans son et travailler vraiment sur les deux lignes différentes qui se touchent ou qui ne se touchent pas en fonction de ce que l'image demande ou que le son demande pour l'image en fonction si c'est des acteurs qui doivent acter au lieu des musiciens. And for me, yeah, the experience was really interesting, challenging, and interesting. We spend so much time seeing films, Hitchcock films, and listening to music and internalizing that music, and it was nice to be able to play in a context where it wasn't just about song, that it was about following a story and trying to enhance the story with music, maybe in a different way that's not so traditional or manipulated. And I liked the idea that we had not very much preparation. So we had to, I don't know, for me, to rely on all the skills that I've developed over the years to put something together to see if I could make something emotive and interesting. I'm very satisfied. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, Rich est assez content de cette expérience puisque ça lui a permis d'utiliser un peu toutes les techniques qu'il a apprises au cours des années et puis surtout ça lui a plu de faire de la musique comme ça. C'est un peu comme Driss, ça lui a permis de faire de la musique d'une façon tout à fait différente et puis voilà, jouer avec l'ambiance de Hitchcock, ça lui a bien plu. Guys, you are in the same school in Antwerp. Vous êtes dans la même école à Anvers, yes. Le jazz studio. That's correct. On m'a dit, I was told that you spend the whole time together. Vous passez tout votre temps ensemble, apparemment. yeah. How long have you been together? This year we were holed up in a room on a piano practicing solfège, composition. But I don't know. Do you want to speak about the history of us playing together? Oh yeah, in French maybe. Maybe yeah. For the audience. Donc on s'est rencontrés en octobre 2014. On jouait dans le même groupe à l'école. Et à l'été 2015, on a décidé de construire un projet à trois, puis à quatre, et puis on s'est retrouvés à deux. Et on a travaillé tout l'été à deux. À construire un répertoire, à essayer de construire des improvisations un peu plus libres sur de très courtes compositions. Et à partir de octobre 2015, on a vraiment répété 4 jours par semaine. Et quand je dis répéter, c'est vraiment travailler le solfège, comme il a dit, développer notre harmonie, notre propre rythme, et avoir un langage qui nous est propre et qui avoir une codépendance l'un de l'autre. On est tout à fait indépendants, mais dépendants l'un de l'autre. Donc vous êtes un vrai couple, un peu. Exactement. On peut le dire, quoi. Vous passez énormément de temps ensemble. Et alors justement, comment est-ce que vous créez votre musique? Comment est-ce que vous créez la relation à deux? Comment est-ce que vous créez... Enfin, c'est vraiment un peu cette histoire de couple, hein, mais comment est-ce que ensemble vous mixez ce que vous faites tous les deux? Comment est-ce qu'on fait pour que deux musiciens puissent travailler ensemble? How do you do to make musicians work together, especially well for the two of you? First of all, I mean, I don't know. For me, I think you play with a lot of musicians, but you connect with only a very few on like a really fundamental, innate level. And when we played together, we recorded it, and I listened back, and I was like, oh, I think we have a connection, though we haven't played so much together. And I mean, I think now we're trying to develop that, and I don't know, it's always developing. It's kind of... C'est toujours un processus en cours de route, c'est toujours... Yeah. Oui. Voilà, comme disait Rich, en tant que musicien, on joue avec beaucoup de gens, mais au final, peu de gens avec qui on se connecte. Oui, il y a vraiment quelque chose de spécial. On peut, c'est pas vraiment expliquer pourquoi avec Rich ça fonctionne bien, mais quand on répète, on ferme les yeux et on joue et on s'écoute. Et il y a vraiment une grosse marque de respect l'un envers l'autre, en fonction de chacun. Chacun a sa culture, chacun aime des musiques différentes, même si on a énormément d'artistes qu'on adore en commun. Et je pense qu'on s'écoute énormément et on essaye de pousser l'autre à donner le meilleur de soi-même. Est-ce que c'est ça le plus important, c'est écouter l'autre? Oui, fondamentalement. C'est vraiment là-dessus que vous construisez tout votre jeu au final? Parce qu'au final, à certains moments dans votre musique, on pourrait... We could have the impression that you are playing two different things that, you know, because it's jazz and a bit of improvisation. Sometimes you go like in different directions and then you come back together. So yeah, at that point, you listen to each other. Donc à ces moments où vous partez un peu dans deux directions différentes, est-ce que vous écoutez toujours à ce moment-là aussi? I mean, sometimes a lot of that is intentional to create tension, frictions, you know, in the music, and then it's like couples and best friends. I like music that resolves the tension. Some people don't, which is fine and cool. I mean, during the free improvisation at the end, I tried to bring it back to something consonant and something that made sense and was in accordance with the script, of course. But we definitely went different directions, let's say at the height of the tension, something like that. Donc en fait, ces tensions sont en quelque sorte une raison pour se retrouver derrière. Et ce qu'explique Rich, c'est qu'en fait, il joue dans ces choses-là pour s'éloigne l'un de l'autre pour pouvoir résoudre en fait la tension à la fin. Et c'est ça qui leur plaît. Je vous propose qu'on fasse une petite pause en termes de discussion et qu'on écoute. What is the next song, guys? I think it's a duo that we've listened a lot to, legendary guitarist and bassist, yeah, Jim Hall and Ron Carter. And they have a great album called Alone Together. It's a classic. And so the song is called Receipt Please, which is an original composition by Ron Carter. Perfect. Thank you very much. Thank you. Receipt, please, dans le Memento. Guys, can you tell us why you chose that song? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de passer cette musique? Well, it was the way that they play and the sound of the tune was a inspiration or template for the blues that we played in the during the story. So I thought it would be interesting to kind of tell the listeners where I'm coming from. That's why we chose it. Il y a beaucoup d'improvisation aussi dans cette musique. Exactement. Sur tout l'album, c'est un album live. On peut vraiment entendre que ils ont énormément joué à deux, énormément d'heures à jouer des standards et des compositions. Mais le concert était vraiment pas préparé au niveau des arrangements et des structures des morceaux. Ils essayent de se challenger l'un l'autre, de se surprendre et de s'aider aussi, évidemment, quand c'est nécessaire. Et donc, on aimait vraiment cette façon d'appréhender la musique, de travailler énormément à deux. Donc, comme je l'ai dit, on travaille 4 jours par semaine. Mais quand on fait un concert ou quand on joue pour quelque chose, on ne prépare pas forcément le concert ou l'événement. On essaie d'avoir un maximum de fraîcheur et de spontanéité, ce qui se ressent énormément sur cet album. Et j'espère qu'on vous a donné ce sentiment ce soir de spontanéité vis-à-vis de l'histoire. Oui, j'imagine que c'est ça qui vous a plu ce soir aussi, ce côté un peu forcément improvisé, mais non préparé, parce qu'on peut peut-être expliquer à ceux qui écoutent Memento en ce moment sur Radio Panique que l'histoire, vous ne la connaissez pas, elle était écrite depuis quelques jours maintenant, peut-être quelques heures, ouais, quelques heures. Mais vous la connaissiez pas 40-45 minutes avant de commencer l'émission, en fait. On a juste l'information de Fenêtre sur cour, donc je l'ai regardé à nouveau intensément la nuit avant de jouer, et puis on a eu l'histoire et c'était vraiment très chouette parce que on avait pas de pression au niveau des morceaux, puisque il y avait aucune demande particulière. À part une espèce d'ambiance ou de ressenti qui doit rentrer dans l'histoire. Mais en même temps, il y avait la pression du timing, 45 minutes, en live. On ne peut pas couper, recommencer. Donc c'était vraiment très très intéressant, super enrichissant pour nous. Et on espère vraiment qu'on pourra continuer d'autres événements comme ça, parce que c'était vraiment très très agréable. Eh ben... Alors justement, moi je vous propose une dernière improvisation. I offer you a last impro. Vous allez devoir choisir entre 4 numéros, chaque numéro correspondant à un titre de film, à un film. Les 4 films sont assez différents. Et en fait, à partir de ce titre de film, vous allez vraiment devoir créer la musique que ça vous inspire. Voilà, ça va être extrêmement, extrêmement basique. It's gonna be really... Challenge accepted. Okay, you're ready. Yeah. Rich, could you please give me a number between 1, 2, 3, and 4? I'm gonna go with 4. 4. The 4 is Titanic. Titanic. Oh, no. Oh, yes. Oh, oui. Not my day. ils vont donc devoir improviser sur Titanic, le film de James Cameron. Je vais les laisser s'asseoir et se réinstaller pour pouvoir jouer cette dernière musique pendant ces 4 dernières minutes qui nous restent. Et donc voilà, c'est la conclusion de cette émission. Ça va être le dernier morceau. Et donc, Memento spécial jeu, Memento spécial jazz et improvisation, c'est presque terminé. C'est presque terminé. Encore un dernier morceau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je tiens à remercier vraiment de tout cœur Rich et Idriss d'être venus jouer ce soir avec nous. C'était vraiment très agréable. Un grand bravo à Nico à la technique et à Corentin à l'écriture. Il y a vraiment beaucoup de travail. N'oubliez pas de liker la page Memento sur Facebook. C'est très très facile à trouver. Memento Radio Panique. Et donc on va se quitter sur l'improvisation de nos musiciens. Ils vont donc jouer avec l'idée de base qui est Titanic. Je vous laisse découvrir ça, je vous laisse voir comment ils vont se débrouiller. Juste après ça, c'est Réservoir Dub. Passez une très bonne soirée sur Radio Panique. Thank you.